Bah Rocky, c'est ce... Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. dessine-moi Rocky. Rocky, bien sûr, ce prolétaire issu des quartiers de Philadelphie, des bas-fonds de Philadelphie, prolétaire d'origine italienne. Les talons italiens, Sylvester Stallone. Et du coup, qui va se lancer dans des matchs de boxe, et un jour, qui va avoir la chance de sa vie parce qu'il y a le champion du monde poids lourd qui va lui proposer un combat. De chatouille. On va se chatouiller pendant 2 heures. Un combat de pouce. Voilà. Combat de boxe, et puis voilà. Avec du beurre. On va suivre le parcours de Rocky là-dedans, qui va mettre en œuvre justement pour être... Ouais, on suit surtout tout sous le travail, quoi. C'est vraiment le truc du... Ouais, alors dans le premier, tu le suis beaucoup dans ses conditions de vie, tu vois vraiment comment il vit, dans quel type de quartier il vit, et tu vois un peu... Il y a vraiment un truc très social. Hein, ouais, très social. Est-ce qu'il vit dans l'austérité, presque rien? Totalement. C'est souvent le début de ce genre de film ascensionnel, tu vois, où les mecs, ils mangent une boîte de flageolets et ils boivent un peu d'eau, tu vois. Là, c'est ça, oui. Il a pas de quoi s'acheter à bouffer, il a rien. Ouais, c'est frugal. Ouais, c'est ça. Et même, t'as des scènes qui se passent dans son appartement. Son appartement, il est délabré au possible. Mmh. C'est une petite pièce, il y a tout qui est entassé, etc. Donc, c'est le vrai prolétaire de Philadelphie, quoi. Et un jour, il a cette chance qui se présente à lui d'affronter le champion du monde des poids lourds et de sortir de ce quartier populaire. Mmh. Alors, dans le premier film, ce que ça nous raconte, c'est pas tellement un parcours d'ascension sociale, c'est surtout dans les films suivants, en fait, où il va y avoir son ascension sociale. Dans le premier film, tu... Parce qu'il échoue, hein, dans le premier. Dans le premier, ouais. Il bat pas le champion. Non, il perd le combat à la fin, mais c'est vraiment dans le 2, en fait, où on va commencer à le voir sortir. Il commence à manger des protéines, quoi. Bah oui, et puis déjà... déjà il reçoit l'argent, tu sais, de son premier combat contre Apollo Creed. Mm-hmm. Et dans le 2, il va y avoir la revanche, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va suivre son parcours. Ouais, mais d'abord, ça raconte quand même, tu vois, c'est certes, il y a pas tout de suite l'ascension, mais il y a déjà le mérite, en fait. Ah oui. C'est ça qui est central, je pense, et pourquoi on pense au rêve américain, Rocky, quoi. C'est vraiment cette idée de mérite, et c'est lié aussi à l'idée d'un certain déclassement de certaines populations qui, mais par le corps, malgré leur mérite, enfin, ne seraient pas à la hauteur sociale qui leur revient de droit, quoi. Mmh. Ouais. Non, mais... c'est un scénario donc qui est vraiment porté, hein, par Sylvester Stallone. C'est lui qui l'a écrit, hein. C'est lui qui a écrit Rocky. Au début, personne n'en voulait de ce truc-là. Et bon, ça s'est monté parce que c'était pas très cher à produire, quoi, finalement. Mmh. Et ça a été un gros carton. Donc il y a quand même eu toujours un petit fond comme ça de social chez Sylvester Stallone, et dans finalement beaucoup de ses premiers films, en tout cas. Et par contre, ouais, tu disais que c'est l'ascension sociale par le corps, mais ouais, je pense que c'est déjà une des limites, quoi, peut-être de la représentation de Rocky comme un symbole de l'American Dreams. Ouais. C'est que on ça fait se pas fait tous de la boxe. Ça se fait par le sport, quoi. qui est peut-être un des seuls trucs qu'on propose aussi à certaines populations déclassées ou mal classées de pouvoir s'en sortir. C'est fais du sport, en gros, voilà, si t'es fort de manière mais athlétique. Tu l'as ce discours-là en Argentine avec Lionel Messi et Diego Maradona. Ouais, t'as le sport et puis le domaine artistique. Ouais, mais pour moi c'est pas un hasard en fait si Rocky ressort en première position. Alors déjà c'est un film qui a marqué son époque, mais comme on le dit, c'est un film de sport. Et en fait, quelle idée pour symboliser la compétition sociale, quoi de mieux en fait au final que le sport, et l'idée de la compétition et l'accès aux meilleures places va passer par l'affrontement, va passer par le duel. Oui. Va passer par l'affrontement à l'autre. Donc, mais qui va lui donner une forme de comment dire, de il va gagner en pouvoir d'achat, en fait, c'est ça l'idée. Oui, il va accéder à une nouvelle forme de vie. Oui, mais son sûr. Schéma ascensionnel, il le fait dans le sport. Bah oui, c'est ça. Mais c'est quand même une représentation extrêmement inégalitaire de l'ascension sociale. Enfin, c'est uniquement par il y a une inégalité énorme entre les corps de chacun. Ouais. Et quel que soit le travail qu'on fait, cette inégalité de corps va quand même durer. Enfin. Ce travail, tu peut le faire sur toi, tu vois, le sportif en fait il va, et les sportifs d'ailleurs en général portent vachement ce discours de la méritocratie, parce qu'en fait tu n'as que ce que tu mérites dans le sport, c'est que tu t'es pas assez entraîné. Oui, mais parce que t'avais des trucs à la base. Il y a des gens à la base qui peuvent s'entraîner autant qu'ils veulent, ils y arriveront jamais. Dans la mythologie du sport, ça n'existe pas, ça. Je suis d'accord. Le sportif, c'est purement l'entraînement, et quel que soit ton milieu, ton... Il y a pas l'idée de prédestination un peu sportive. Non, mais c'est dans la mythologie, comme tu dis. Dans la réalité, il y a une prédestination énorme à pouvoir faire certains sports ou pas d'autres. Tu penses que c'est de la pure fumisterie, et du coup c'est pas de la fumisterie, mais c'est un mythe, tu vois. Oui, mais voilà. Et quand tu regardes bien les scènes de Rocky qui transcendent le plus le spectateur, et c'est pas un hasard, c'est les scènes d'entraînement, en fait. Où t'as la musique qui apparaît de Bill Conti, tu sais, et avec ces scènes où il fait des pompes, ces scènes où il va s'entraîner, ces scènes où il va faire où il va taper dans les sacs de viande, dans les sacs de viande, où il va taper, où il va monter les marches, où il va courir sur les marches, tout ça. Ah ouais, devant Washington. D'ailleurs, non. À Philadelphie. Il n'arrive pas devant la... Non, c'est à Philadelphie. Ok. Ouais, c'est à Philadelphie. Et en fait, ça parle vachement aux gens, en fait, de se dire, bah, tu vois, je vais tout mettre en œuvre pour arriver à mon objectif. Je vais m'entraîner comme un fou et je vais faire plus que les autres. Ah, et comme je vais faire plus que les autres, je vais y arriver, tu vois. Et puis le sport, c'est toujours aussi attaché à la volonté. Pourquoi, pourquoi en vrai on va pas trop courir et tout, parce que c'est une question de volonté. Si tu dis je suis allé courir, les gens ils disent ah bah t'as bien du courage. Donc t'as vraiment cette idée que c'est purement de la volonté, avec l'idée qui va te perdre aussi de l'important c'est de participer. Même si on sait que l'important c'est de gagner, mais tu t'ériges en exemple justement de contre-inaction, tu vois, parce que les gens qui sont flemmards, qui sont sur le canapé, c'est pas non plus vendeur, même en termes de fiction, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc c'est aussi pour dire pour les classes travailleuses, continuez de travailler quelque part. Bien sûr, et lâchez pas. Et lâchez pas. Les prolétaires, continuez à faire des trucs de prolétaires et à travailler à l'usine, quoi. Et ce que tu disais, hein, y a une inégalité de départ qui est bien là, mais en fait, tout le discours de Rocky, c'est dire ouais, peut-être. Bah alors travaille deux fois plus que les autres. Plutôt que de te lever à 5h du matin, tu vas te lever à 4h du matin, tu vas faire ton jogging plus tôt, tu vas faire plus de pompes, tu vas taper plus fort dans les sacs de frappe. Et à la fin, bah, tu seras meilleur que celui qui est mieux doté que toi au départ. C'est effectivement vraiment ça, hein, dans le film Rocky. En plus, c'est vrai qu'à la fin, c'est l'important, c'est de participer, puisqu'il il perd quand même à la fin. Donc dans le film, il y a vraiment tout ça, et justement, ça mythifie complètement cet aspect-là du sport, en tout cas de la représentation sportive. Mais dans Rocky, je trouve que ça marche très bien, quoi, justement dans ce premier film. Mais après, ça reste quand même dans un truc, les petits pour vous en sortir, taper dans des sacs de sable. Il n'y a que ça, quoi. Non, je suis d'accord. Du coup, ça renvoie une certaine forme de limite. Mais à part le film, le sport, est tellement bien fait qu'effectivement, ça met de côté, quoi, justement, tous les aspects un peu litigieux, quoi, de cette forme d'ascension sociale, qui est une ascension sociale quand même très dirigée par un truc. Enfin, voilà, c'est... Non, mais ça met aussi en relief une chose, c'est que si tu peux monter que par le sport, ça montre bien que la société a une forme d'immobilité sociale. Et que c'est très compliqué de passer d'une strate à une autre. Ah, mais pas dans Rocky. Enfin, Rocky, c'est pas le message que te véhicule Rocky. Moi, je trouve ça envoie vraiment le message du mérite, de la construction. Et puis, c'est lié. Il y a un podcast, le numéro 54 de Kif Taras, qui parle un peu de Rocky et qui explique aussi que c'est pris dans un contexte politique où, pour obtenir des voix, on va chercher justement chez des Américains immigrés, genre immigration italienne, etc. Pas chez les WASP d'origine, mais. Donc la chercheuse dans Kif Taras, ça parle de ça et a dit bah, c'était une manière aussi de montrer un truc qu'on récupère aussi aujourd'hui en France, de dire il y a une population un peu déclassée qui reste des blancs, parce que c'est important que ça reste des blancs, mais qui sont méritants et qui pourtant ne sont pas à la hauteur. Il faut qu'ils travaillent, etc. Ça vient déjà du 19e avec les grosses vagues d'immigration italienne, polonaise. Voilà. C'était une terre de prospérité, mais il fallait y aller. Au moment de Rocky, en fait, on récupère un peu ce mythe américain de la conquête, et on va chercher chez des populations qui étaient pas non plus les populations les plus déclassées. Hein. C'est pas les Afro-Américains ou les autochtones américains, mais c'est ceux qui étaient parfois un peu stigmatisés, et on va les chercher pour dire, en fait, c'est vous qui méritez. Ouais. Je pense que Rocky montre aussi ça. Il y a des gens qui sont méritants parce que et avec la mythologie du travail, quoi. Qu'on récupère du protestantisme. Tu l'as dans les infiltrés, ça, de Scorsese, avec le personnage de la communauté irlandaise, vous vous souvenez ? Avec Jack Nicholson. Ouais. Sauf que là, on oublie carrément que c'est quand même un monde de mafia. Mais il y a tout son discours sur la volonté, sur le mérite. Ah bah oui. Il forme, je crois que c'est Mark Wahlberg. Non, il forme Matt Damon. Je comprends tout le temps. Mais t'as ce discours-là, justement. On est des Irlandais, donc il y a une espèce de toute puissance qui fait que on est une communauté, comme dit Steven, avec du mérite. On s'est sorti littéralement les doigts du cul. Maintenant, on mérite notre place dans la société. Et dans Rocky, t'as parfaitement ce truc-là. Et si on prend un peu de recul sur Rocky, en fait, on l'a sur Rocky, mais en fait, on l'a même plus globalement dans le milieu du sport, comme je disais. Et c'est un truc qui marche assez bien dans la boxe, tu vois. Ouais. La boxe, c'est pas un hasard si en fait c'est un sport qui... Tu penses à Edouard Philippe? Oui, mais je pense qu'en fait ça participe à une forme de mythe, ça aussi, vois. Sur le port du Havre. Edouard Philippe, il communique vachement autour du fait qu'il se lève tous les matins pour aller à la salle de boxe et pour boxer, tu vois. Et ça renvoie aussi à une forme de mérite, de moi je me lève tôt, moi je fais partie de cette France travailleuse, tu vois, qui va tout mettre en œuvre. Et Jean pour Castex, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux boules. Je pense pas. C'est un bouliste. Ping-pong, je crois. La boxe était appelée l'art noble, hein, le noble. Ouais, ouais, le noble art. Ouais. Mais oui, parfaitement. Et bon, alors qu'il suffit. Tu tapes sur un mec, hein, en fait. Hein, c'est ça ton truc. Ouais. Mais. Et bon. La boxe thaï, c'est noble. Après, encore plus noble. Mais après, la boxe, c'est un instant de vérité. C'est-à-dire que si t'es moins entraîné que l'adversaire qui est en face de toi, tu vas te faire démonter, tu vois. Mm. Enfin, si t'es pas bien préparé, tu vas te faire démonter. Et donc, en fait, il y a une forme de vérité absolue qui arrive au moment du combat qui est qui c'est le mieux entraîné. Même s'il y a toute une histoire d'inégalité derrière, tu vois. Mais le moment de vérité, ça va être le moment du combat. Que va révéler la compétition à ce moment-là ? Qui est le plus fort des deux ? Ouais. Et je pense que c'est ça qui marche aussi dans le mythe de l'ascension sociale et de la réussite, là, c'est que toute cette compétition, elle est symbolisée via l'affrontement entre deux corps, tu vois. Et donc, tu l'as dans la boxe, ce truc-là, et tu l'as aussi dans le MMA. Donc, je sais pas si vous savez, mais il y a un grand champion de MMA poids lourd, là, mais franco-camerounais. Qui ne le connaît pas, ouais. Ouais, qui s'appelle Francis Ngannou, on n'arrête pas d'entendre parler de lui. Bah, on entend parler de lui quand on écoute des trucs de MMA. Oui, voilà. Non, mais même dans les médias mainstream, en fait, ouais. On entend vachement parler de ce gars-là. Et c'est assez marrant parce qu'il vient de battre un mec qui était champion depuis, je sais pas moi, 5 ou 6 ans, qui s'appelait Stipe Miocic. Et en fait, c'était un gars, Stipe Miocic, qui ne vendait absolument pas. C'est-à-dire que c'était un grand champion, mais pas beaucoup de monde le connaissait. Okay. Et en fait, la théorie pour moi, c'est que Francis Ngannou, c'est un mec qui a grandi au Cameroun, qui était dans les mines du Cameroun, donc dans le Cameroun très prolétaire et très exploité, si tu veux. Et en fait, aujourd'hui, il est champion de MMA. Et moi, ma théorie, c'est que je pense qu'en fait, s'il est aussi réputé aujourd'hui, déjà, c'est qu'il est français. Mais même aux États-Unis, l'UFC, en fait, ils font un max de promos sur ce gars-là. Parce qu'il y a une espèce de storytelling ultra intéressante autour de son parcours, tu vois. C'est, on a pris un Africain du fin fond de la campagne, tu vois, et aujourd'hui, il est champion du monde de MMA UFC. Tu vois, donc ouais, ça construit vraiment tout le récit du mérite, des valeurs de la bourgeoisie. C'est très vendeur. Ouais. Oui, Macron, il avait même essayé de se vendre comme ça, en disant « Oui, moi, je suis fils de petit médecin. » Il avait vraiment essayé de le faire. Il n'avait pas dit qu'il avait été champion de quelque chose ? Non ? Vous vous souvenez pas de ça ? De théâtre au lycée ? Ouais, champion de théâtre. Champion de théâtre. Je fais le meilleur tartuffe. Non, mais c'est vrai, c'est ce storytelling où pour être un peu vendeur, il faut qu'on te raconte une histoire où faut que tu sois parti de rien. Bah oui, et il y a vraiment ça, oui, de celui qui est issu du trou du cul du monde, quoi, vraiment. Ouais, ouais. Et que ça peut venir de n'importe où, et que justement, comme il a le talent, ben voilà, quel que soit l'endroit d'où il vient, ça fonctionne, quoi. Ouais, mais attends, c'est pas... en fait, je pense pas que ça soit une histoire de talent. La façon dont le storytelling a été fait autour de lui, c'est regarder comment le gars s'est entraîné. C'est-à-dire qu'il n'avait rien, tu vois, et il a tout mis en œuvre, le mec, pour rattraper son retard. Et c'est en ça, à mon avis, que ça travaille une forme de mythe et que ça plaît aux anglo-saxons et aux sociétés très libérales, parce que ça veut dire que quelque part, quand bien même t'as du retard sur les autres, tout ça, si tu travailles, si tu t'entraînes, si t'es valeureux, si t'es guerrier. Tu vas t'en sortir, tu vois, et tu peux accéder aux plus hautes places de l'espèce la société de... et devenir un méga champion. Ça fait un peu Stakhanov, tu vois, le mythe de Stakhanov, mais, en mode on brise, tu vois, on brise un petit peu la frontière entre les différentes classes sociales, quoi. Stakhanov, c'est pas tout à fait ça, mais... Non, mais c'était, non, moi, lui, non, c'était un limite de la rentabilité et de la performance. Ouais, mais parce que là, dans le stakhanovisme, t'as l'idée quand même d'un truc qui te dépasse et tout. Alors que là, c'est vraiment l'idée du self-made man. Tu peux le dire en français. De l'homme qui s'est fait tout seul. Ça renvoie plus à l'idée de, tu vois, genre Bill Gates, il a quitté l'école et puis il a fait dans son garage des trucs. Bon, c'est un peu la même idée. Bah oui, et il faut savoir que en plus Francis Ngannou, il est arrivé au Cameroun, du coup il était sans papier en France, tu vois. Et un jour il a franchi les portes d'un club de MMA et voilà, il s'est lancé et puis il a réussi. Alors bien sûr qu'il a un gros talent à la base. Oui, parce que autant je suis vraiment d'accord sur Rocky, sur tout ce que tu dis. Rocky, ça raconte vraiment ça, donc ça met de côté le reste. Mais alors autant moi, alors quand j'ai vu là tous ces trucs là, avec lui, avec Francis, tu l'inviteras au podcast. Je connais bien maintenant. J'ai vu tous ces combats, du coup, je connais bien. Mais alors là, moi, j'avais pas du tout cette impression là, quoi, d'une mise en valeur. De l'entraînement et du travail, plutôt de on a trouvé un phénomène qui est là. C'est vrai. Parce qu'en plus, on n'arrête pas de vanter son physique incroyable, qu'il a une allonge énorme. Ouais, que ce serait le plus gros puncher du monde. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a autant de succès ? Il a certes une ascension fulgurante, mais parce que aussi il est hyper spectaculaire dans ses combats. Il y a quasiment tous ses combats, il est fini avant le temps limite. Ouais. Ça dure un ou deux rounds. Dès qu'il met une pêche, le gars est par terre. Donc, c'est au contraire. Enfin, moi, je voyais un phénomène, effectivement, qui a pu sortir de n'importe où et d'un trou.